Chapitre 7e, les exilés. Dans une de nos promenades, en compagnie de mes compatriotes, une visite à Séverine Krizanovski, qui était retenu chez lui par une paralysie des jambes. Un des nôtres nous devança pour annoncer notre venue au colonel, que nous trouvâmes assis dans un grand fauteuil à la Voltaire. Malgré son état de souffrance morale et physique, il y avait du soin dans sa toilette. Son linge, quoique usé, était d'une blancheur éblouissante. Ses longs cheveux blancs tombaient sur ses épaules, tout en gardant un air de propreté extrême. Son visage, d'une pâleur mate, avait l'expression du désespoir. Ses lèvres fines et pâles semblaient n'avoir jamais souri. Ses yeux éteints, son regard, faisaient mal à voir. Nous n'osions parler, nous restions debout sans nous approcher de ce martyr dont la vue nous pénétrait de tristesse et de respect. Tout à coup, un tremblement convulsif agita les mains du colonel. Il fit signe qu'il voulait parler, mais son émotion enchaînait sa parole. Il fit encore un signe pour nous inviter à nous approcher de lui. Alors des larmes brillèrent dans ses yeux. On sentait que la lumière se faisait dans son esprit, lumière fugitive qui ne devait pas survivre à l'émotion. Peu à peu il prit possession de lui-même, la lucidité revint et la conversation s'engagea. Il savait que nous devions aller à Berezov, que c'était là notre véritable destination. Il nous dit qu'il y avait fait un séjour de 14 mois et nous recommanda de loger dans la maison qu'il avait habitée et dont il avait gardé un très bon souvenir. Surtout, ajouta-t-il, n'accordez aucune confiance aux récits exagérés ou menteurs des voyageurs. On vous dira que les Bérézoviens sont inhumains, sauvages, cruels, que sais-je encore. N'en croyez pas un mot. Leurs mœurs, au contraire, sont douces et ils sont hospitaliers, bons et sincères. Tout cela était à peine articulé. On voyait que chaque mot qu'il cherchait à prononcer lui coûtait un grand effort, et déjà son intelligence se troublait. En parlant de Berezov, la France et l'Italie, qu'il avait connu dans des jours meilleurs, se présentèrent à sa mémoire et tout se confondit dans sa pensée. Il nous assura que nous trouverions à Berezov des fruits savoureux et exquis, des raisins, des pastèques, des melons, enfin tous ces fruits qui ne se rencontrent que dans les pays méridionaux. S'apercevant que nous voulions prendre congé de lui, il posa sa main sur la mienne et dit encore « plus longtemps ». C'était le dernier souffle de sa raison. Nous quittâmes le colonel en nous promettant de ne pas renouveler ses déchirantes entrevues. Nous avions le cœur navré, et nous n'avions apporté aucun soulagement à l'illustre victime. Pour dissiper nos tristes impressions, nous fîmes une excursion sur les rivages de l'Irtych. Les eaux qui avaient débordé dans la plaine présentaient le plus magnifique coup d'œil. Nous ne nous lassions pas d'admirer le ciel qui projetait des rayons lumineux sur cette surface limpide. Avant de rentrer au logis, nous voulûmes visiter le jardin public, qui ne manque pas d'une certaine élégance. Les allées en sont sablées et plantées de bouleaux, mais les arbres n'avaient pas encore de feuilles, et nous remîmes à plus tard une autre promenade dans ce jardin sans fleurs et sans feuilles en cette saison. Le lendemain, après dîner, une Dorochka attelée de deux chevaux s'arrêta à notre porte. Nous nous mîmes à la fenêtre pour voir quel était ce visiteur qui nous venait. Tout est un événement dans une vie comme la nôtre, et nous aperçûmes le colonel Krizanovski au fond de la voiture. Aussitôt, M. Marchotsky se précipita pour aider le colonel à descendre, et tous enfin nous allâmes au-devant de lui. Mes compatriotes portèrent sur leurs bras le vieillard impotent, et avec les plus grandes précautions, ils franchirent sans accident nos deux étages. Notre ameublement était si modeste que nous ne possédions même pas un fauteuil pour l'offrir aux malades. Un petit lit de repos était notre seul luxe, et nous y installâmes notre cher visiteur. Un mieux sensible se manifestait dans l'état du colonel. La veille, il pouvait à peine articuler. Aujourd'hui, il parlait presque facilement. Il semblait vouloir nous consoler de nos tristes et récentes impressions. Il y avait de la vivacité, de l'éloquence, et quelquefois, dans sa façon de s'exprimer, on sentait, en l'écoutant, qu'il voulait mettre à profit un de ses rares moments de lucidité. Il abordait différents sujets. Il commençait des récits qu'il n'achevait pas. Le lien, la suite, lui échappaient. Mais pourtant, il y avait une apparence de calme et de raison dans ce qu'il disait. Peu à peu, ses idées se troublèrent. Il devint plus triste. Ses yeux s'assombrirent, il soupira douloureusement, comme s'il souffrait des ravages de son intelligence. Alors, il prit le ton confidentiel, baissa la voix, et nous parla des esprits invisibles qui l'entouraient le jour et la nuit. « Ces bienheureux esprits, nous disait-il, nous font entendre des chants mélodieux. J'ai retenu les paroles et la suave harmonie de ces chants célestes. Je vous les apprendrai à vous, Madame Felinska, et vous les apprendrez à nos compatriotes. Cela vient du ciel, et vous rendrez à la Pologne ce que le ciel vous donne. » Puis il parla de l'avenir de la Pologne, mais c'était le dernier effort de sa raison. Nous pleurions tous. Cette grande victime de l'exil et des persécutions moscovites nous brisait le cœur. Nous commencions notre exil. C'était notre première étape. Lui, le finissait par le martyre. Le domestique qui l'avait accompagné se présenta pour rappeler au colonel qu'il était temps de partir. Nos adieux furent douloureux et le pauvre malade recouvra assez de présence d'esprit pour dire « au revoir ici ou là-haut ». Le vrai printemps et non le printemps trompeur de la Russie revenait. Un chaud soleil faisait fondre les glaces et l'Irtych charriait déjà de gros glaçons. Hélas, c'était pour nous le signal du départ et il nous semblait entendre le son des grelots et la voix du postillon. La rivière, dans certains endroits, avait repris son cours. Des blocs de glace d'une grandeur démesurée glissaient majestueusement après s'être détachés avec un fracas épouvantable. Les eaux plus rapprochées du bord étaient complètement dégagées et on voyait une foule de barques dirigées par des hommes et des femmes du peuple sillonnant la rive. Enfin, la vie, le mouvement, l'animation avaient reparu. Le 15 mai, Tobolsk était en pleine floraison. La ville grisâtre avait pris un air de fête. Les gazons avaient chassé les traces de la neige. Les arbres déployaient leurs feuilles. Une brise tiède nous apportait des senteurs embaumées. Là aussi, la nature est bienfaisante. La beauté du temps nous détermina à faire une excursion dans la ville haute, dont je crois n'avoir pas encore parlé. Elle est située sur une hauteur et entourée de remparts taillés dans les rochers. Des fossés profonds entourent la ville et en rendent l'accès difficile. Pour arriver à pied, il faut monter sans marche d'un escalier perpendiculaire. Quant aux voitures, elles doivent traverser un pont jeté sur les fossés. Dans une aventure solitaire, nous aperçûmes un petit pavillon ombragé par des bouleaux. Son aspect était charmant et par son ornementation élégante et par son originalité de bon goût. Il y avait dans l'extérieur de cette habitation quelque chose de très européen. À qui appartient ce pavillon? Voilà la question que nous fîmes à notre guide. « Un Polonais déporté qui se nomme Adzeizik, » nous fut-il répondu. L'occasion était trop bonne pour ne pas en profiter. Il ne faut pas jouer avec le hasard. Il n'est pas toujours si favorable. Nous allâmes donc frapper à la porte de notre célèbre compatriote. Seizik est un sculpteur de premier mérite et ses œuvres lui survivront. Mais l'exil, ce grand professeur qui vous élève s'il ne vous écrase pas, l'a fait architecte et jardinier. C'est lui qui a bâti le pavillon qu'il habite. C'est lui qui cultive ses fleurs. C'est lui qui a créé une Pologne dans ses terres arides. Sa serre chaude est une merveille de difficultés vaincues. Nous sympathisions avec l'homme courageux et nous admirions le génie de l'artiste. Les sculptures de Seizik sont appréciées partout, et même en Sibérie. Lors du séjour de l'héritier présomptif en ce pays, les commerçants commandèrent à Seizik un surtout de table pour offrir au prince. Celui-ci, dit-on, fut émerveillé de la beauté de ce travail. Le grand artiste ne peut suffire à toutes les demandes qu'on lui fait. On s'adresse à lui, il reçoit des commandes de tous les pays du globe. Ses urnes, ses vases de bronze et ses têtes de pipe sculptées se vendent au poids de l'or. Nous devions le 16 mai quitter Tobolsk pour Berezov sur une embarcation appartenant au négociant Bragin, mais le chargement n'était pas complètement fait. Chaque jour de retard était un jour de grâce. La distance qui nous séparait du lieu de notre destination, ces pays inconnus, tout cela nous agitait de tristes pressentiments. C'était l'exil dans l'exil, la séparation absolue de tout ce qui compose la vie ou de tout ce qui la soutient dans l'absence. Nous allions trouver la plus cruelle solitude entre un ciel inclément et une terre aride. Le 17 mai, on nous donna le signal du départ. Nos amis, encore une fois, furent parfaits pour nous. Ils nous comblèrent de soins et de délicates attentions. Leur bonté et leur dévouement furent notre dernière joie et notre dernier bon souvenir. Notre embarcation allait faire la grande pêche annuelle dans le golfe de Lobi. Le chargement était énorme, le matériel considérable. Mais on nous avait réservé une cabine, la seule disponible dans le navire, et quelle que fût son exiguïté, nous dûmes nous en contenter, car elle nous mettait du moins à l'abri de la curiosité des passagers et de la grossièreté de l'équipage. Trois coups de fusil donnèrent le signal du départ. Nos amis descendirent dans le canot après avoir serré nos mains dans une suprême étreinte. Pas une parole ne fut prononcée. Tout était fini, le devoir de l'Évangile devenait notre unique espérance.